Chapitre 9e, où l'on voit comment Poltronet inventa la vapeur et comment Dondin fabriqua une fontaine d'un nouveau genre. La sorcière qu'il s'agissait de consulter se nommait Kirimiri, nom qui, dans la langue maintenant oubliée de ce pays, signifiait « mère des mauvaises pensées ». En effet, d'après les informations qu'avait prises Poltronet, il avait appris que tous ceux qui s'approchaient de la sorcière sentaient leur esprit se troubler sous l'influence des idées les plus funestes et les plus criminelles. Cette influence agissait dès qu'on arrivait dans le voisinage du puits habité par la magicienne. C'était là le grand danger qu'il s'agissait de braver. Cependant, le prince n'hésita pas. Fort de son amour et de sa résolution, il se prépara à descendre dans le gouffre qui s'ouvrait devant lui. C'était une ouverture circulaire, noire, étroite, et par laquelle sortait une épaisse fumée. Poltronet s'était muni d'une longue corde. Il l'attacha par un bout à un arbre, lança l'autre bout dans l'abîme béant. Puis, après avoir fait ses recommandations à Dondin, sans remarquer que celui-ci les écoutait d'un air distrait, il déposa son épée par terre, évoqua mentalement l'image charmante de la princesse fêlée, se suspendit à la corde et disparut bientôt dans les ténèbres sans cesse croissantes du puits profond. Dondin resta assis sur le bord, les coudes sur ses genoux, la tête dans ses mains, et jetant de temps en temps des regards singuliers sur le beau cheval Agib, sur l'épée flamme d'acier et sur le perroquet qui, de son côté, le regardait avec une attention méditative. Cependant, Poltronet descendait le long de la corde, entre les parois rondes du puits. Déjà, ses bras fatigués se raidissaient, ses mains endolories étaient prêtes à lâcher l'appui qui les blessait, lorsqu'il s'aperçut que le puits s'élargissait. Tout à coup, ses pieds touchèrent une surface brûlante. Par un violent effort, il se jeta de côté et tomba lourdement sur le sol. Il jeta aussitôt les regards autour de lui et vit une horrible vieille, accroupie près d'un feu ardent, au-dessus duquel s'élevait une grande chaudière, placée directement sous l'ouverture du puits. Les yeux de l'affreuse créature brillaient d'un éclat singulier, et un sourire étrange crispait sa lèvre sur sa gencive édentée. « Qui es-tu ? » dit-elle. « Et que me veux-tu ? » Poltronet exposa l'objet de sa visite. « Tu sais, dit la vieille, que j'éprouve une invincible répugnance à répondre aux questions qu'on me fait. » « Je sais aussi, répondit Poltronet, qu'une volonté ferme peut vous forcer à parler. « Je ne suis pas en veine d'éloquence, reprit la sorcière. Et puis mon dernier serviteur est mort et j'ai besoin d'en avoir un autre. Pourtant, ajouta-t-elle comme se ravisant, j'ai encore plus besoin de tranquillité. Et si tu veux t'en aller tout de suite par où tu es venu, je te laisserai partir. N'as-tu pas de belle destinée devant toi? Toutes les princesses du monde seront fières d'accepter ta main, et tu es fou d'avoir donné ton cœur à une idiote qui n'est ni aussi belle, ni aussi riche, ni aussi puissante que bien d'autres. » En parlant ainsi, elle dardait sur Poltronet le feu de son petit œil clignotant, et le prince sentait tourbillonner dans sa tête des idées d'ambition qui obscurcissaient son pur amour comme un souffle chaud ternit la froide surface d'un miroir. Pourtant, il fit un puissant appel à la force de sa volonté. « Je ne veux que la princesse fêlée, dit-il. Quand j'aurai trouvé ce que je cherche, je serai content. » La sorcière haussa les épaules et recommença ses efforts pour éveiller dans l'âme de Poltronet tous les sentiments qui pouvaient le détourner de son but. 20 fois le prince sentit sa raison se troubler et sa volonté vaciller, mais 20 fois aussi il sortit vainqueur du combat. Mais il s'irritait de cette longue lutte, la colère envahissait son cerveau, et enfin il s'avança vers Kirimiri, l'œil allumé, la narine frémissante, les mains convulsivement étendues. « Maudite sorcière ! S'écria-t-il. « Parleras-tu à la fin ? Dis-moi ce que je veux savoir, ou sinon ?» Et il fit encore un pas. La devineresse effrayée se leva vivement. « Ah ! Dit-elle, tu as une mauvaise pensée. Tu veux étrangler une pauvre vieille sans défense. Je suis vaincu par mes propres armes. Je parlerai. » « Aussi bien, ajouta-t-elle en jetant un perfide regard du côté du puits, tu ne porteras peut-être pas loin ce que je vais te dire. » « Parle toujours, » dit Poltronet, gardant une attitude menaçante. « Soit. Sache donc que tu as eu sous la main ce que tu cherches. Tu ne trouveras jamais la raison de la princesse fêlée plus que tu ne l'as trouvée jusqu'à présent, et tu n'as plus qu'à t'en retourner près de celle que tu aimes. » De nouveau, le prince poltronnet s'avança vers la sorcière Kirimiri. « Parle plus clairement. J'ai dit, je n'ai plus rien à dire. Pars, si tu peux, » ajouta-t-elle malignement. Le prince s'élança vers le puits, saisit la corde qui pendait et fit un mouvement pour s'y suspendre. Il ne trouva pas de résistance, la corde glissa, vint à lui et tomba tout entière à ses pieds avec un bruit auquel répondit un strident ricanement. « Je le savais, » dit la sorcière. « Ton serviteur n'a pas su résister comme toi à l'influence des mauvaises pensées. Il a voulu avoir à lui le cheval sans pareil, l'épée sans rival et le perroquet merveilleux. Il a essayé la trempe de l'épée en coupant la corde et la vitesse du cheval en s'enfuyant malgré les conseils du perroquet. Je le savais. Maintenant l'heure va être passée. Si dans 5 minutes tu es encore ici, tu seras mon esclave. Pars si tu peux. » Il s'éloigna en riant encore de son affreux rire. Poltronnet resta anéanti. Vainqueur dans son entreprise, il avait succombé au danger dont elle était accompagnée. Il avait forcé la sorcière à lui dire des paroles propres à lui rendre l'espoir, et il était son esclave, et l'espoir conçu restait enseveli avec lui au fond de cet abîme. Les jours, les semaines, les mois s'écoulèrent, pendant lesquels Poltronnet, maltraité toujours, battu quelquefois, s'occupa exclusivement à entretenir le feu sous la grande marmite dans laquelle bouillaient les herbes nécessaires aux conjurations magiques. Il se désespérait à calculer imparfaitement le temps qui s'écoulait, à combiner des moyens d'évasion, dont le plus facile était impossible. Enfin, un jour, il lui vint une idée lumineuse. Tout en entretenant le feu sous la grande marmite confiée à ses soins, Poltronnet avait observé souvent les mouvements du couvercle soulevé par le liquide bouillonnant. L'eau s'échappait alors de la chaudière et tombait sur le feu qu'elle éteignait en partie, de façon que le pauvre prince était obligé de le raviver. Une fois qu'il désirait se livrer tranquillement à ses pensées, il essaya d'échapper pour quelque temps à ce travail incessant en posant une grosse pierre sur le couvercle. Quelques minutes plus tard, la vapeur comprimée lançait à une dizaine de pieds en l'air le couvercle et la pierre. À cette vue, le prince tomba dans une profonde rêverie. Quand il releva sa tête, qu'il avait tenue longtemps dans ses mains, son parti était pris. « J'y périrai peut-être, » murmura-t-il, « mais ne vaut-il pas mieux mourir que de vivre comme je le fais dans cette affreuse demeure ?» Alors il examina avec soin la position de la chaudière, et vit avec satisfaction qu'elle était placée exactement au-dessous du puits qui servait de cheminée. Il ramassa les plus grosses pierres qu'il put trouver et les rangea également sur le couvercle. Il prit ensuite une planche ronde et la posa sur les pierres. Puis il jeta une grande quantité de charbon dans le feu qui devint très ardent. Enfin, il monta sur la chaudière ainsi préparée, s'y assit et attendit en pensant à la princesse fêlée. Il n'attendit pas longtemps. L'eau se mit à bouillir avec violence, rugissant dans sa prison de fer. Une explosion terrible se fit entendre, et Poltronnet se sentit enlevé dans les airs. Il traversa le puits avec une rapidité sans égale et se vit tout à coup ébloui par la clarté du jour. Puis il se sentit retomber. Il sauta vivement de côté et tomba évanoui sur la terre, tandis que le couvercle abandonné par lui se replongeait dans l'abîme et en atteignait le fond avec un fracas épouvantable. Quand le prince revint à lui, il se trouva couché sur le bord du puits. Il rappela ses esprits du mieux qu'il put, se tâta pour voir s'il n'était pas blessé, et reconnut qu'il en était quitte pour des contusions. Il se demanda ensuite quelle partie il devait prendre, et décida que le plus sage était de s'éloigner au plus vite. Mais où aller? Le royaume de Serendip était loin. L'époque fatale où devait expirer le délai fixé pour le mariage de la princesse devait être bien proche. Si Poltronnet avait eu seulement sous lui son bon cheval Agib, mais où était-il maintenant le bon cheval qui eût ramené si vite l'infortuné prince au pays où allait se consommer son malheur? Où était l'invincible épée qui eût brisé tous les obstacles dressés sur son passage? Où était le sage perroquet avec sa merveilleuse intelligence et ses précieux conseils? Poltronnet maudit 100 fois le criminel d'Ondin, mais il s'aperçut qu'à la 100e fois, il n'était pas plus avancé qu'à la 1ère, et il se mit en route. Il marcha longtemps. Le pays était aride et désert. L'horizon reculait sans cesse, et le prince ne voyait, si loin que se portât ses regards, ni une maison où il pût se renseigner, ni un arbre qui pût offrir quelques fruits à sa faim, ni une source où il pût étancher la soif ardente qui le dévorait. Ce dernier supplice devint enfin intolérable. Plusieurs fois, le pauvre poltronnet s'arrêta, prêt à s'avouer vaincu et à se coucher sur la terre pour y attendre la mort. Plusieurs fois, il reprit courage et continua sa marche. La nuit vint. Il marcha encore dans les ténèbres, mais le courage est plus difficile dans l'ombre qu'en plein jour. Poltronnet, épuisé de fatigue et de besoin, dévoré par l'affreux tourment de la soif qui desséchait en lui jusqu'aux sources de la vie, sentit la terre se dérober sous ses pieds chancelants, son cœur s'arrêta dans sa poitrine haletante. Il tomba sur un genou et dit, croyant mourir, un dernier adieu à celle qu'il n'avait pu rendre à elle-même. À ce moment, un bruit, qu'il trouva plus doux que la voix de sa bien-aimée, retentit à son oreille. Il entendit distinctement le murmure d'une eau tombant dans un bassin. Il écouta. Ce n'était pas une illusion. Par un dernier effort, il se remit sur ses pieds, fit quelques pas dans la direction du bruit qu'il entendait, retomba à genoux, se traîna un instant encore, et enfin, perdant toute conscience de son être, se coucha évanoui sur la terre. Quand il rouvrit les yeux, il faisait jour. Sa première sensation fut celle d'une douleur aiguë qui lui déchirait le gosier. La seconde fut un sentiment de joie, en entendant, non loin de lui, le murmure ruisselant qu'il avait entendu avant de perdre connaissance. Mais au bruit de la fontaine se mêlaient maintenant des voix qu'il crut reconnaître. En prêtant l'oreille, il reconnut en effet la voix de Dondin qui se lamentait et celle du perroquet qui répondait à l'écart avec un accent de reproche. Poltronnet essaya de se lever et y réussit. Il vit alors un spectacle qu'il ne s'expliqua pas d'abord. Au-dessus de l'eau d'un étang, à quelque distance du rivage, apparaissait Dondin, monté sur un objet qui ressemblait étrangement à la moitié d'un cheval, et qui n'était autre chose en effet. Le cheval avait les naseaux plongés dans l'eau et buvait. En même temps, l'eau coulait, comme d'une fontaine, de ses entrailles nettement coupées, à l'endroit où les hanches avaient dû s'unir au reste du corps. C'était là ce que produisait ce bruit que le prince avait entendu. Au cri d'étonnement que poussa Poltronnet répondit un cri de joie. Le perroquet l'avait aperçu. Il vola rapidement vers lui et le caressa en battant des ailes. Avant de demander aucune explication, le prince s'agenouilla au bord de l'eau et but. Quand sa soif fut calmée, il demanda ce que signifiait ce qu'il voyait. « Oh, monsieur !» cria Dondin du milieu de l'eau. « Vous voyez en moi un malheureux qui a été bien puni d'une mauvaise pensée. J'ai voulu m'approprier l'épée, le cheval et le perroquet, me disant que si vous aviez accompli tant de belles choses avec leur aide, moi qui suis naturellement plus vaillant que vous, j'en accomplirais de bien plus belles encore. » Et pour y parvenir, je vous ai abandonné dans le trou où vous étiez descendu. Mais j'ai appris à mes dépens que ce n'est pas tout que de posséder ces choses-là, et qu'il faut encore savoir la manière de s'en servir. Je n'ai pas su profiter des avis du perroquet, qui me conseillait de ne pas couper la corde. J'ai voulu employer l'épée à couper mon pain sur la croupe du cheval, et j'ai coupé le cheval avec mon pain. La pauvre bête en a éprouvé une si grande soif qu'elle s'est mise à courir avec la rapidité que vous lui connaissez, et voilà où elle m'a mené. Il y a longtemps que nous y sommes, car à mesure que le cheval boit par devant, l'eau sort par derrière, et il en résulte qu'il ne peut pas se désaltérer. Tout brave que je suis, j'ai une horreur instinctive de l'eau, et je n'ose pas descendre. Aussi, je serais mort de faim depuis longtemps sans le perroquet qui va me cueillir des fruits et me les apporte. Aussi, je vous assure que je compte les jours avec impatience et qu'il me paraît savoir plus de 24 heures chacun. « Et combien en as-tu compté ? » dit le prince. « Le cheval a bu pendant 137 jours et 137 nuits, » dit l'écuyer. « L'étang tout entier doit le voir passer au moins 3 fois à travers le corps. »« 5 mois et demi !» s'écria Poltronet. Et il calcula rapidement dans sa pensée le temps écoulé depuis son départ. « Nous n'avons plus qu'un mois pour retourner à Serendip, » dit-il. « Est-ce assez ?» Il raconta au perroquet ce que lui avait dit la sorcière. Malgré sa sagacité, l'oiseau ne comprit pas mieux que n'avait fait le prince les paroles ambiguës de la magicienne. Néanmoins, il fut d'avis de retourner au plus vite vers la princesse fêlée. « Partons, » dit Poltronet. Il s'éloignait déjà, quand il fut rappelé par la voix suppliante de Dondin, qui le conjurait de ne pas l'abandonner, ajoutant qu'il mourrait de faim quand le perroquet ne serait plus là. « Ce serait une juste punition de ton crime, » dit le prince. Néanmoins, comme Dondin pleurait et priait, l'excellent jeune homme se sentit émouvoir. Il entra dans l'eau, prit Dondin sur ses épaules et le rapporta à terre. Quant à Agib, ou plutôt à ce qui en restait, malgré sa docilité habituelle, il refusa de bouger et continua à boire. Il fallut le laisser. Le prince demanda où était Flamme d'Acier. Dondin, après l'accident arrivé au cheval, avait jeté de dépit l'épée dans un buisson et il ne fallait pas songer à la retrouver. Poltronet soupira. Ainsi, dit-il, il ne me reste rien des dons que m'avait fait la fée Flamèche. J'ai tout perdu par ta faute, continua-t-il en s'adressant à Dondin. « Misérable, s'il faut que nous arrivions trop tard, tu auras tout à redouter de ma colère. » Dondin baissa le nez et se mit à marcher de toute la vitesse de ses petites jambes. Poltronet le suivit et on avança rapidement. Grâce au perroquet qui volait en avant, examinait tout et prévenait le prince des dangers qu'on pouvait rencontrer, on évitait les obstacles et on ne s'arrêtait guère. Mais la distance était grande. Quand les voyageurs arrivèrent à Serendip, l'année était finie, le jour de grâce était passé, un autre jour s'était écoulé encore. Poltronet et ses compagnons, entrant dans la ville à la tombée de la nuit, la virent toute brillante d'illumination. Le peuple en liesse tirait des pétards dans la rue. Le mariage de la princesse fêlée avec le bossu Montando avait été célébré le matin.